Chapitre 2. Un philosophe fantaisiste a dit quelque part « N'ayez jamais ni maison de campagne, ni voiture, ni chevaux, ni chasse. Il y a toujours des amis qui se chargent d'en avoir pour vous. » C'est par application de cet axiome que je fus invité à faire mes premières armes sur des terrains réservés du département de la Somme, sans en être propriétaire. On était à la fin du mois d'août en 1859, si je ne me trompe. Un arrêté préfectoral venait de fixer au lendemain l'ouverture de la chasse. Dans notre ville d'Amiens, où n'est si mince boutiquier ni petit artisan qui ne possède un fusil quelconque avec lequel il va écumer la grande route des faubourgs, depuis 6 semaines à tout le moins, cette date solennelle était impatiemment attendue. Les sportsmen du métier, ceux qui croient que c'est arrivé, tout comme les tireurs de 3e et de 4e ordre, les adroits qui tuent aussi bien sans viser que les maladroits qui visent sans jamais tuer, enfin, les mazettes non moins diligents que les chasseurs dits primo cartello, se préparaient en vue de cette ouverture, s'équipaient, s'approvisionnaient, s'entraînaient, ne pensant que pour penser caille, ne parlant que pour parler lièvre, ne rêvant que pour rêver perdreau. Femmes, enfants, famille, amis, tout était oublié. Politique, art, littérature, agriculture, commerce, tout s'effaçait devant les préoccupations de ce grand jour, dans lesquelles allaient s'illustrer les fanatiques de ce que l'immortel Joseph Prudhomme a cru pouvoir appeler un divertissement barbare. Or, il se trouva que parmi les quelques amis que je comptais à Amiens, il y en avait un, chasseur déterminé, mais charmant garçon, quoique fonctionnaire. Seulement, s'il se disait quelque peu rhumatisant, lorsqu'il s'agissait d'aller à son bureau, il se retrouvait singulièrement injambe quand un congé de 8 jours lui permettait de faire l'ouverture. Cet ami se nommait Bretigneau. Quelques jours avant la grande date, Bretigneau vint me trouver, moi qui ne pensais à mal. « Vous n'avez jamais chassé, me dit-il avec ce ton de supériorité qui comprend 2 parties de bienveillance contre 8 de dédain. « Jamais, Bretigneau, répondis-je, et je n'ai point la pensée de... « Eh bien, venez donc faire l'ouverture avec moi, répondit Bretigneau. Nous avons sur la commune d'Hérissart 200 hectares réservés où le gibier pullule. J'ai le droit d'amener un invité, donc je vous invite et je vous emmène. « C'est que, dis-je en hésitant, vous n'avez pas de fusil ?»« Non, Bretigneau, et n'en ai jamais eu. Que la Sainte tienne, je vous en prêterai un. » Un fusil à baguette, il est vrai, mais qui vous boule tout de même un lièvre à 80 pas. À la condition de l'atteindre, répliquai-je. Naturellement, ce sera assez bon pour vous. Trop bon, Bretigneau. Par exemple, vous n'aurez pas de chien. Oh, inutile, du moment qu'il y en a un, mon fusil, cela ferait double emploi. L'ami Bretigneau me regarda d'un air moitié raisin, moitié figue. Il n'aime pas cet homme que l'on plaisante ainsi de choses de chasse. C'est sacré, cela. Cependant, son sourcil se défronça. « Eh bien, viendrez-vous » demanda-t-il. « Si vous dites nay, » répondis-je sans enthousiasme. « mais oui, il faut avoir vu cela au moins une fois dans sa vie. Nous partirons samedi soir, je compte sur vous. » Et voilà comment je fus engagé dans cette aventure dont le funeste souvenir me poursuit encore. J'avoue, cependant, que les préparatifs ne furent point pour m'inquiéter. Je n'en perdis pas 1 heure de sommeil. Et pourtant, s'il faut tout dire, le démon de curiosité me piquait un peu. Était-ce donc si intéressant, une ouverture? En tout cas, je me promettais, sinon d'agir, du moins d'observer en curieux les chasseurs autant que la chasse. Si je consentais à m'embarrasser d'une arme, c'était pour ne pas faire trop triste figure au milieu de ces némrodes dont l'ami Bretigneau m'invitait à admirer les hauts faits. Je dois dire toutefois que si Bretignon me prêtait un fusil, une poire à poudre, un sac à plomb, il n'avait pas été question du carnier. Je dus donc faire en plaie de cet ustensile dont la plupart des chasseurs pourraient si bien se passer. J'en cherchais un d'occasion. Inutile. Il y avait os sur les carniers. Tout était enlevé. Il me fallut en acheter un neuf, mais à la condition expresse qu'on me le reprendrait. À 50% de perte, s'il n'étrenait pas. Le marchand me regarda, sourit, accepta. Ce sourire ne me parut pas être de bon augure. Après tout, pensais-je, qui sait ? Oh, vanité !